ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فهو حجة وإجماع عند جماهير العلماء، وهو المعروف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي. ومن رحمة الله عز وجل أنه لم يشترط علينا في قضاء رمضان أن يكون كهيئة الأداء، فلا يشترط فيه المتابعة، فإن مزقه الإنسان على مدار السنة جاز له ذلك، ولكن بشرط أن لا يدخل عليه رمضان اللاحق. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن مفطرات الصوم سبعة أنواع. الأول الجماع، وهو من أعظم المفطرات، وفيه الكفارة المغلظة إذا حصل في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم، وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والثاني إنزال المني باختياره، بتقبيل أو لمس أو ضم أو استمناء أو غير ذلك. فأما إنزال المني بالاحتلام فلا يفطر، لأنه من نائم والنائم لا اختيار له. الثالث الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام والشراب إلى جوفه، سواء كان ذلك الطعام والشراب حلالا أم حراما، نافعا أم غير نافع، وسواء كان عن طريق الفم أو طريق الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق، يعني في الوضوء، إلا أن تكون صائما. فدل على أن الداخل من الأنف كالداخل من الفم. أما شم الروائح فإنه لا يفطر، لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف. الرابع ما قام مقام الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية، وهي التي يستغني بها عن الطعام والشراب، لأنها بمعنى هما، فإنها تفطر. الخامس إخراج دم الحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أما أخذ الدم من البدن للفحص ونحوه فإنه لا يفطر، لأنه يسير ولا يؤثر على البدن تأثير الحجامة. وكذلك لو أرعف أنفه فإنه لا يفطر بذلك، لأنه بغير اختياره. السادس القي عمدا، وهو إخراج ما في معدته من الطعام والشراب، فإما إذا هاجت معدته وخرج الطعام بدون تعمد فلا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي، أي غلبه، فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. السابع خروج دم الحيض أو النفاس، فمتى خرج ذلك ولو قبل الغروب بلحظة بطل الصوم، ولو أحست المرأة بحركته قبل المغرب ولم يخرج إلا بعده ولو بزمن قليل فالصوم صحيح، لأنه لا يبطل إلا بخروجه. وهذه المفطرات لا يفطر بها الصائم إلا بتوفر 3 شروط: أولا أن يكون عالما، ثانيا أن يكون ذاكرا، وثالثا أن يكون مختارا. فلا يفطر إن فعلها جاهلا، مثل أن يفعل شيئا من المفطرات يظن أنه لا يفطر وهو يفطر، أو يظن أن الفجر لم يطلع وهو طالع، أو يظن أن الشمس قد غربت وهو لم تغرب وهي لم تغرب، فليس عليه في ذلك حرج ولا قضاء، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. وكذلك إذا فعل شيئا من المفطرات ناسيا فإنه لا يفطر، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن لو ذكر أو ذكر وجب عليه التوقف، فإن استمر بطل صومه. وكذلك لو حصل عليه شيء من المفطرات بغير اختياره فإنه لا يفطر، كأن طار إلى جوفه غبار، أو تسرب إليه ماء من المضمضة أو الاستنشاق بغير اختياره، فصومه صحيح ولا شيء عليه. عباد الله، هذه هي المفطرات الحسية التي يؤمر فاعلها بالقضاء. وهناك مفطرات معنوية تخل بالصيام وتجرحه وتبطل ثوابه وتنقصه، ولا يؤمر فاعلها بالقضاء، وهي مثل الغيبة والنميمة وقول الزور والشتم والسباب والنظر إلى ما حرم الله واستماع ما حرم الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. عباد الله، يحرم عليكم صيام يوم الشك إلا في حالتين: في حال القضاء أو النذر. أما المريض فله ثلاثة أحوال: الحالة الأولى يجب عليه الإفطار ويحرم عليه إذا صام، إذا كان في صيامه ضرر ومشقة. والحالة الثانية فيجوز له الإفطار، وهو مخير بين الإفطار والصوم إذا كان في صيامه مشقة ولا يلحقه ضرر. أما الحالة الثالثة فيجب عليه الصوم ويحرم عليه الإفطار إذا لم يلحقه ضرر ولا مشقة. عباد الله، ومما يتعلق بأحكام الصيام أيضا النية، فالنية شرط لصحة الصوم، ولكن التلفظ بها بدعة. ومما يتعلق بالنية أيضا الإفطار، فلو أذن عليك وأنت في الطريق وليس معك شيء تأكل ولا شيء تشرب فتفطر بالنية، أي تنوي بقلبك الإفطار. وعلى ذلك فلو نوى إنساننا الإفطار في نهار رمضان وعزم على ذلك بقلبه بطل صومه وإن لم يأكل شيئا. عباد الله، عليك بتلاوة القرآن اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن في شهر رمضان. وكان السلف الصالح يكثرون من تلاوة القرآن في هذا الشهر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات. ولتكن تلاوتكم يا عباد الله للقرآن بتدبر وخشوع وحضور قلب وترتيل لآياته، وحسنوا أصواتكم بالتلفظ به ما استطعتم، ولا يكن هم أحدكم الختمة فقط كما يفعله بعض الناس هداهم الله. اقرؤوه في المساجد والبيوت وأكثروا من ترديده. ألزموا أولادكم بتلاوته وتفقدوهم في ذلك، وشجعوهم بالجوائز التي تشجعهم على التلاوة. عباد الله، لازم صلاة التراويح ولا تفرط فيها، فإن ثوابها عظيم. روى الإمام أحمد والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والتراويح يا عباد الله سنة مؤكدة من فعل الصحابة، يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة لها مشهور وتلقته الأمة بالقبول خلفا بعد سلف. فاحرصوا عليها ولا تتكاسلوا عنها، فإنكم بأشد الحاجة إليها، ولعل الله أن يكتبكم مع الصائمين القائمين. عباد الله، تحروا الهلال ليلة 30 من شعبان، فإن رأيتموه فصوموا، وإن لم تروه فلا تصوموا حتى تكملوا عدة شعبان 30 يوما، فإن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ومن الأمور الغير المشروعة أيضا وهو الاعتماد على الحساب والتقاويم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي لرؤية الهلال، فإن وافقت التقاويم رؤية الهلال فيها، وإن خالفت فإن الذي أمرنا به هو الاعتماد على الرؤية وليس على الحساب والتقويم. ومن جعل الحساب والتقويم هو الأساس فإنه قد أحدث في الدين ما ليس منه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عباد الله، serviteurs d'Allah, dans quelques jours, le mois de Ramadan, le mois béni, va bientôt nous rejoindre, ou nous allons plutôt le rejoindre, si Allah nous donne la vie jusqu'à ce moment. Et on demande qu'il nous prolonge la vie jusqu'à ce qu'on puisse compléter ce mois béni. Et donc, il est important pour nous de connaître quelques règles au sujet des règles du jeûne du Ramadan. Puisque lorsqu'on établit une adoration, il faut savoir que cette adoration-là est faite correctement. Et donc, pour le faire correctement, il faut connaître les règles et les principes qui ont été établis dans le Coran et la Sunna au sujet de l'adoration en question. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se réjouissait à l'approche du mois de Ramadan, ainsi que les sahaba. Et donc, celui qui arrive au mois du Ramadan et qu'il est, il a atteint la puberté, eh bien, s'il a atteint la puberté et qu'il a toute sa raison, alors il est obligatoire pour lui de jeûner s'il n'y a rien qui ne l'empêche de le faire. Et en particulier, donc ça c'est les règles générales pour toutes les adorations, c'est que la personne soit pubère et qu'elle ait sa raison. Ensuite, en ce qui concerne le jeûne du Ramadan en particulier, il faut que la personne soit en bonne santé et que la personne soit résidente, c'est-à-dire qu'elle soit chez elle. Toutefois, si la personne elle est malade et qu'elle ne peut pas jeûner à cause de cette maladie, ou que la personne est en voyage, eh bien dans ce cas-là, elle peut ne pas jeûner, ou bien dans ce cas-là, dans certains cas, elle ne va pas jeûner, elle va reprendre les jours par la suite après le Ramadan. Elle va reprendre les jours manqués après le Ramadan, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. celui d'entre vous qui est témoin de ce mois alors qu'il le jeûne. Mais celui qui est en voyage, celui qui est malade ou qui est en voyage, alors il les reprendra en des jours plus tard. De même que celui, par exemple, qui est très âgé, avancé en âge, et que le jeûne pour lui est trop difficile, ou qui a une maladie qui est permanente, il n'espère pas en guérir, et que à cause de sa situation, il est dangereux pour lui de jeûner, alors dans ce cas-là, il ne doit pas jeûner. Dans ce cas-là, il va nourrir un pauvre pour chaque jour dans lequel il n'a pas jeûné. Donc la personne qui est très âgée ou la personne qui a une maladie et qu'il ne pense pas en guérir de cette maladie-là et que c'est une maladie qui reste, qui est permanente et qui est dangereuse, s'il jeûne dans cette situation-là, il risque de se faire du tort. Alors dans ce cas-là, au lieu de jeûner, il nourrit un pauvre pour chaque jour qu'il a manqué. Et Abdullah ibn Abbas a expliqué à propos du verset dans le Coran, « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَمُ مِسْكِينَ » C'est à propos de la personne qui est très âgée. Elle reprend les jours, non, elle reprend pas les jours, mais elle nourrit pour chaque jour qu'elle a manqué un pauvre. Et la quantité de ce qu'elle doit donner pour le pauvre, c'est une certaine quantité de nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que c'est une mud pour les grains de blé et la moitié d'une sa pour d'autres sortes de nourriture. Et donc ça c'est des volumes, hein, des quantités de nourriture. Pour savoir ça, les détails de ça, vous pouvez vous renseigner à ce sujet-là, les détails de la quantité, qu'est-ce que c'est une mud et combien ça équivaut en nourriture. Dans les détails, vous trouverez l'explication à ce sujet. En ce qui concerne la femme qui a ses règles, ou la femme qui a les écoulements postnataux, c'est-à-dire après l'accouchement, eh bien, elles ne doivent pas jeûner parce qu'elles ont leur période. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est qu'elles vont reprendre les jours qu'elles n'ont pas pu jeûner après le Ramadan. Et ça a été expliqué dans le hadith de Aïcha radiallahu anha. Barakallahu fikum. Donc Aïcha radiallahu anha, elle dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, nous avions nos périodes de menstruation et on nous ordonnait de reprendre le jeûne, mais on ne nous ordonnait pas de reprendre la prière. De même que la femme par exemple qui est enceinte ou bien la femme qui allait, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elle a manqué et elle n'a pas à reprendre les jours qu'elle a manqué. Elle n'a pas à les reprendre. Elle doit seulement nourrir un pauvre. Et ça, c'est la position la plus correcte d'entre les différentes positions des ulama sur cette question. Et c'est la position de Abdullah ibn Abbas et d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhum. Et d'autres également parmi les Sahaba. Il a été rapporté authentiquement de la part de Abdullah ibn Abbas qui a dit, lorsque la femme enceinte craint pour elle-même, ou que la femme qui allait, elle craint pour son enfant dans le mois de Ramadan, alors elle ne jeûne pas et elle nourrisse pour chaque jour qu'elles ont manqué un pauvre. Et elles n'ont pas à reprendre les jours de jeûne manqués. Et également, il est rapporté qu'il a dit à propos d'une femme qui était enceinte ou qui allaitait, tu es dans le même cas que celui qui ne peut pas supporter le jeûne, alors tu nourris pour chaque jour manqué un pauvre. Et tu n'as pas à reprendre les jours manqués. Il était également rapporté selon Abdullah ibn Omar par l'imam Ad-Darqutni. Il a dit qu'une femme lui a posé la question alors qu'elle était enceinte au sujet du jeûne et il a répondu, tu ne jeûnes pas et tu nourris pour chaque jour manqué un pauvre et tu n'as pas à reprendre les jours manqués. Et cette parole d'Abdullah ibn Abbas et d'Abdullah ibn Omar, elle s'est propagée parmi les Sahaba. Et on ne connaît personne d'entre les Sahaba qui les a contredits. Et donc c'est une preuve. C'est considéré comme un consensus de la majorité des ulama. De même que parmi la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il n'a pas établi comme condition pour qu'on reprenne les jours après le ramadan, lorsque on a manqué des jours à cause du voyage ou à cause de la maladie. Il n'a pas établi comme condition pour reprendre les jours manqués que ce soit fait de la même manière que le ramadan lui-même, c'est-à-dire que on n'a pas à les faire tous les jours un après l'autre. On peut les reprendre en différentes parties durant l'année. C'est-à-dire le mois de ramadan qu'on n'a pas jeûné à cause de la maladie ou à cause du voyage, on peut les diviser pendant l'année et les refaire selon notre capacité. Et la condition, c'est qu'on ne les laisse pas jusqu'à ce qu'arrive le ramadan prochain. Hein? Donc il faut les faire avant le ramadan suivant. Et sachez qu'il y a parmi les choses qui annulent le jeûne, cette chose. Et parmi ces choses, il y a le fait d'avoir des rapports intimes avec notre épouse pendant le jour du ramadan. Et ça, c'est une des choses qui est les plus graves parmi les choses qui annulent le jeûne. Et il y a même une expiation à faire dans ce cas-là, qui est très sévère. C'est soit de libérer un esclave, ou si la personne n'a pas à le faire, alors elle fait 2 mois consécutifs de jeûne. Si elle ne peut pas libérer un esclave, elle va faire 2 mois consécutifs de jeûne. Et si elle ne peut pas, alors elle va nourrir 60 pauvres. La deuxième chose qui annule le jeûne, c'est lorsqu'il y a éjaculation, c'est-à-dire une éjaculation de sperme. Soit à cause d'un homme qui a embrassé sa femme, ou qui l'a touchée, ou qui l'a serrée, ou bien à cause de la masturbation, par d'autres moyens. Lorsqu'il y a éjaculation, alors dans ce cas-là, il faut que la personne reprenne le jour manqué. Et elle a bien entendu brisé son jeûne. Excepté si la personne a eu un rêve dans lequel il y a eu une éjaculation pendant son sommeil, alors dans ce cas-là, ce n'est pas volontaire. Et donc, elle n'a pas besoin de reprendre le jeûne de ce jour-là, dans ce cas-là, parce que ce n'est pas volontaire. Un troisième exemple, troisième cas, c'est lorsque quelqu'un a mangé ou a bu. C'est-à-dire que la personne, elle a mangé quelque chose, peu importe que ce soit halal ou haram, que ce soit bénéfique ou non. Si quelque chose est rentré par sa bouche et par son nez, jusque dans son estomac de façon volontaire, alors dans ce cas-là, elle a annulé son jeûne de cette journée-là. Et elle doit le reprendre après le ramadan et se repentir. Toutefois, si la personne, elle a mangé ou bu et par erreur, c'est-à-dire pas intentionnellement, alors dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de briser son jeûne et elle n'a pas à reprendre le jour manqué. De même que les odeurs, hein, les odeurs, les parfums, les senteurs, ça n'annule pas le jeûne parce que ça ne rentre pas dans l'estomac. Quatrième exemple de ce qui annule le jeûne, c'est la personne qui prend de la nourriture par intraveineuse, hein, qui est nourrie par intraveineuse. Ça annule son jeûne. Toutefois, si c'est une piqûre ou un vaccin qui nourrit pas, alors dans ce cas-là, ça n'annule pas le jeûne. Si quelqu'un se fait faire une hijama, une saignée, ou qu'est-ce qu'on appelle en arabe le hijama, on fait sortir de lui une assez grande quantité de sang. Il y a un hadith à ce sujet-là qui mentionne que cela annule le jeûne. Toutefois, si c'est juste une prise de sang, hein, qu'on prend à l'hôpital, ça n'affecte pas le jeûne dans ce cas-là et ça n'annule pas le jeûne. Ou bien si quelqu'un, par exemple, il a un saignement de nez, ça n'annule pas non plus son jeûne parce que ce n'est pas volontaire. Aussi, le sixième exemple de choses qui annulent le jeûne, c'est la personne qui se fait vomir volontairement. Ça, c'est quelque chose qui annule le jeûne. Toutefois, si la personne, elle jeûne sans que ce soit par exprès, sans que ce soit volontaire, c'est-à-dire la personne, elle n'a pas fait exprès pour se faire vomir, mais elle a vomi d'elle-même, dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de reprendre. Son jeûne n'est pas brisé. Le septième cas, c'est la femme qui a ses règles, ou la femme qui a accouché et qui a les écoulements après l'accouchement. Alors, pour elle, son jeûne, si c'était pendant la journée, elle doit le reprendre ce jour-là. Toutefois, si ça arrive après le coucher de soleil, dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de le reprendre. Et pour que ces choses-là annulent le jeûne, il faut qu'il y ait trois conditions réunies. Que la personne ait la connaissance que cette chose-là brise le jeûne ou annule le jeûne. Deuxièmement, il faut qu'elle se souvienne. Et troisièmement, il faut qu'elle le fasse volontairement. Donc, si par exemple, quelqu'un était ignorant au moment où il a fait ce qui annule le jeûne, elle ne savait pas que ça annulait le jeûne, ou par exemple, elle pensait que l'aube n'était pas levée alors que l'aube était levée, ou elle pensait que le soleil s'était couché alors qu'il ne s'était pas couché, alors dans ce cas-là, elle n'a pas annulé son jeûne et elle n'a pas à reprendre le jour manqué, puisqu'elle n'a pas fait ça par exprès. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la mention qu'ils avaient mangé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y avait des nuages. Puis, lorsque les nuages se sont dissipés, ils ont vu que le soleil s'était... l'aube était levée, donc ils ont pas repris ce jour-là. Parce que les nuages les avaient empêchés de voir. De même que la personne qui mange par oubli, ou bien qui fait un des annulatifs du jeûne par oubli, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à ce sujet-là que celui qui oublie et qu'il jeûne, et qui mange ou qui boit quelque chose, alors qu'il complète son jeûne, car c'est uniquement Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Toutefois, une fois qu'elle s'est rappelée ou que quelqu'un lui a rappelé, il lui est obligatoire de s'arrêter et de continuer son jeûne, sinon... S'il continue de manger et de boire après ça, alors son jeûne sera nul. Et donc ça c'est, il y en a la même chose pour tous les exemples. Si quelqu'un il fait le wudu par exemple et qu'il y a un peu d'eau qui rentre dans sa gorge ou dans son nez par erreur et que ça descend dans son ventre, ça n'annule pas son jeûne, hein, parce que c'est pas volontaire. Il y a également d'autres choses qui ne vont pas annuler notre jeûne si on les fait, mais qui vont diminuer de sa valeur et de sa récompense. Comme par exemple les péchés qu'on fait pendant le jour du Ramadan ou pendant le Ramadan lorsque on écoute des choses haram ou quand on parle dans le dos des gens ou quand on dit des mensonges ou quand on fait tout autre péché comme regarder des choses haram ou écouter des choses haram. Donc il faut respecter ces choses-là de façon générale pendant toute l'année, mais dans le Ramadan encore plus. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté dans un hadith, selon Abi Huraira, il a dit, lorsque c'est le jour de jeûne, alors ne faites pas dites pas de mauvaises paroles et ne faites pas de mauvaises choses. Et si quelqu'un vous insulte ou veut se battre avec vous, alors vous dites, je suis en train de jeûner. Hein? Et l'exemple aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, celui qui a délaissé les mauvaises paroles et les mauvaises actions, celui qui n'a pas délaissé les mauvaises paroles et les mauvaises actions pendant le Ramadan, alors s'il boit pas et il mange pas, eh bien c'est comme si Allah il n'a pas besoin de son jeûne parce qu'il n'a pas il s'est pas abstenu d'avoir un mauvais comportement et de parler mal et de faire des mauvaises actions. Également, une autre chose qu'on doit mentionner pour terminer, c'est que il faut pas jeûner le jour du doute. Le jour du doute, on ne doit pas jeûner, c'est-à-dire un jour avant la fin du mois de Sha'ban ou avant le début du mois de Ramadan, le jour du doute. Et aussi, la personne qui est malade, il y a trois cas, soit que c'est la personne que le jeûne, ça lui fait du tort et c'est difficile pour lui, dans ce cas-là, il ne doit pas jeûner. C'est interdit pour lui de jeûner. Toutefois, si la personne, c'est difficile, mais ça ne lui fait pas du tort, Alors il a le choix. Soit s'il veut jeûner, il peut jeûner. Et s'il ne veut pas jeûner, il peut ne pas jeûner. Il a le choix, un ou l'autre. Toutefois, si le jeûne, ça ne lui, c'est pas difficile pour lui, et ça ne lui fait aucun tort non plus, pendant qu'il est malade, alors dans ce cas-là, il est obligatoire pour lui de jeûner. Également l'importance de l'intention, avant le début du mois de Ramadan, de commencer avec l'intention de faire le jeûne du Ramadan. Et on n'a pas besoin de prononcer cette intention-là à haute voix. L'important, c'est de la voir dans le cœur. De même que de savoir que si, par exemple, pendant lorsque c'est le temps du Maghrib et qu'on n'a rien à manger ou à boire, on peut briser le jeûne uniquement avec l'intention dans ce cas-là. Puisque si quelqu'un a l'intention de cesser de jeûner pendant la journée, même s'il n'a pas mangé, s'il a la ferme intention de ne pas jeûner, alors dans ce cas-là, son jeûne sera annulé. Et le rappel par rapport au Ramadan de faire des efforts dans la récitation du Coran, ça c'est très important aussi, de faire les prières de la nuit dans le Tarawih et de ne pas les négliger, et de comprendre également que l'entrée du mois de Ramadan s'est déterminée par la vue du croissant de la lune et non pas par les calendriers et les calculs, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement mentionné dans les hadiths que le début du Ramadan, ça commence avec la vue du Hilal et non pas en se basant sur des calculs ou sur des calendriers. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.